Radio 100% Jazz. Guitariste Stokelo Rosenberg avec un extrait de Roots, album sorti il y a une dizaine d'années et notamment composé de ce titre écrit par Django Reinhardt intitulé Lentement Mademoiselle, avec en invité spécial aux côtés du trio Rosenberg le clarinettiste Bernard Berkout. À TSF Jazz, c'est le Genius Ray Charles que voici avec